Bienvenue à Web Musique, votre rendez-vous hebdomadaire de musique gratuite. Ben oui, j'ai encore une fois parcouru les internets pour vous. Je vous ai trouvé plein de bonne musique, donc j'ai hâte de vous présenter ça. Sans plus attendre, on va débuter avec un artiste italien qui s'appelle Digi Galessio. J'ai eu un petit peu de difficulté à télécharger ces trucs aujourd'hui. C'est sur l'étiquette Ideology, une étiquette allemande. Puis le site fonctionnait pas aujourd'hui, donc j'ai réussi à trouver un moyen contourné pour trouver l'album. Je pense que c'est déjà en ligne maintenant, donc vous pouvez aller télécharger, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça, on va débuter avec deux pièces de Digi Galessio. Donc on va débuter avec la pièce Daiquiri, puis la pièce Messicani Sulla Luna. C'est deux pièces qui se retrouvent sur son excellent album Shiny Brazils. C'était Digi Galessio, un Italien sur l'étiquette Ideology, une étiquette allemande. Donc, on vient tout juste d'entendre sa pièce Messicani sulla Luna. C'était précédé par la pièce Daiquiri. Donc, ces deux pièces-là se retrouvent sur l'excellent album Shiny Brazils. On va poursuivre web music avec encore de la musique à tendance hip-hop instrumentale. On va entendre tout de suite Nien Vox, c'est un artiste russe. Je vous fais entendre sa pièce de River Express. Donc Nien Vox qui est sur l'étiquette bulgare Dusted Wax Kingdom. Puis ensuite de ça, une étiquette assez intéressante qui vient de l'Égypte. Ils ont des trucs un peu plus reliés au noise, mais je vous ai trouvé une pièce qui donne un peu plus dans le hip-hop. Donc l'étiquette s'appelle Husky E-Sound Net Label, comme je vous disais, une étiquette de l'Égypte. Donc je vais vous faire entendre l'artiste russe Nick R61. Je vous fais entendre sa pièce Muslin Goes. Vous êtes toujours à Web Music sur les ondes de CKRL, puis on écoute Nien Vox. Thank you. C'était la pièce Muslin Gaze par l'artiste russe Nick R61. J'adore son nom d'album. Son album s'appelle We Smoke Here with Saddam Hussein. Donc, un album vraiment original, vraiment intéressant. Avant ça, c'était un autre artiste russe du nom de Nien Vox. Sa pièce s'appelle The River Express. C'était sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom, une étiquette bulgare. On poursuit Web Music avec un artiste qui vient de la ville de Des Moines, en Iowa. Donc, l'artiste s'appelle Hypnosis. Je vous fais entendre sa pièce Klezmer. Donc, c'est une pièce hip-hop à tendance Klezmer. Vous allez voir, c'est assez spécial. Ensuite de ça, on entend Dos Modes avec sa pièce Dansette. Thank you. C'était Dust Motes avec sa pièce Dansette. Dust Motes, que j'ai vraiment pas beaucoup d'informations à propos de cet artiste-là. Donc, sur sa page, il y a seulement son album, puis c'est tout. Je vais faire plus de recherches. C'est un artiste qui a l'air vraiment intéressant, qui était assez impliqué aussi sur Twitter. Donc, je vais essayer d'en savoir plus. C'est un artiste qui est vraiment à découvrir. Avant ça, c'était Hypnosis, la pièce Claes Vert. Hypnosis qui vient de la ville de Des Moines en Iowa. Donc c'était un peu de hip-hop à tendance klezmer. Pour poursuivre web musique, on va entendre l'excellent Arm qui vient de la Bretagne en France. Je vous fais entendre sa pièce Tact. C'était le très sombre Arm, donc un artiste qui vient de la Bretagne en France. C'est sa pièce Tact. Je vous invite à télécharger tous les trucs de Arm. C'est un artiste vraiment intéressant. Il y a des trucs, c'est vraiment sombre comme univers, toutes sortes d'influences musicales. Donc vraiment un artiste à découvrir. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Pour ça, ben, c'est assez simple. Vous vous rendez au www.webmusique.org. Donc, vous avez les liens qu'il vous faut pour télécharger ce que vous entendez. Je vous invite à télécharger les pièces et à les partager avec vos amis. C'est de la musique qui est gratuite. C'est pour une bonne raison, c'est pour que ça soit diffusé le plus largement possible. On va faire une courte pause, puis Web Music vous revient après la pause. Let's go! Tous les mercredis, Tania Beaumont vous met au parfum de l'actualité culturelle et vous présente l'émission Québec, c'est pas un village, à l'antenne de CKRL. C'est un rendez-vous incontournable entre 17h30 et 19h30 afin de tout connaître sur la vie culturelle de Québec en direct du bar Le Sacrilège. I wanna go crazy. Vivre ce qui se passe à Québec, branché sur la relève. Un seul endroit, une seule fréquence. Au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean, pour 89,1 CKRL, la radio culturelle. Une présentation de Boréal et de Pastissimo. I wanna go crazy. Vous écoutez CKRL 89, la radio culturelle à Québec. Touch Caroling, that's who escaped now. Touch Caroling, that's who escaped now. De retour à Web Music, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, on va poursuivre l'émission avec Alien S, un artiste dont j'ai absolument aucune information. C'est sur la nouvelle étiquette Mix Galaxy Records, une étiquette qui vient de la Russie. Puis, assez étrangement, ils n'identifient pas leurs artistes. Donc, j'imagine qu'ils vont finir par le faire. Donc, comme je vous disais, l'artiste s'appelle Alien S. Je vous fais entendre la pièce 11 Part 1. Puis ensuite de ça, une toune vraiment tordante. Je pense que c'est l'échantillonnage des voix de South Park, mais je ne suis pas vraiment sûr. Donc, l'artiste s'appelle Cubic. Encore une fois, je n'ai pas plus d'informations à propos de cet artiste-là. Je vous fais entendre sa pièce « Stupid Bitch 2 ». Thank you. Pièce qui contraste un peu avec ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Il s'agit de Cubic, sa pièce Stupid Bitch 2. Avant ça, c'était Alien S, la pièce 11 Part 1. Donc, deux pièces qui se retrouvent sur une compilation de la toute jeune étiquette Mix Galaxy Records, une étiquette qui vient de la Russie. On va poursuivre Web Music avec un artiste qui vaut vraiment la peine de découvrir et qui s'appelle Edison. C'est sur l'étiquette IVDT. C'est une étiquette qui vient de Oakland aux États-Unis. Je vais vous faire passer deux pièces qui sont sur son album Not What Ships Are Built For. Donc la première que vous allez entendre s'appelle Don't Get All Sentimental Bro. Puis la suivante s'appelle These Things Are Better Left on an Answering Machine Late. Donc on écoute Edison à Web Music. Thank you. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique sur les ondes de CKRL. Vous venez d'entendre un peu de hip-hop expérimental. Il s'agissait de l'artiste Edison, un artiste californien qui est sur l'étiquette IVDT, une étiquette qui vient de Oakland aux États-Unis. Donc, c'est ça, vous venez tout juste d'entendre deux pièces sur l'album d'Edison qui s'appelle Not What Ships Are Built For. On vient tout juste d'entendre la pièce These Things Are Better Left on an Answering Machine Late. Puis on avait débuté ce petit bloc avec la pièce Don't Get All Sentimental, Bro. À Web Musique, on poursuit avec encore de la bonne musique gratuite. Donc c'est sur l'étiquette Buda Beats, une étiquette qui vient de Budapest. L'artiste est allemand, il s'appelle Clit Beats. Je vous fais entendre sa pièce A Thing or Two. Puis ensuite de ça, de la France, c'est plutôt l'étiquette qui est française. L'étiquette s'appelle IQ Dub. L'artiste s'appelle Tell Them Community. Je me souviens plus exactement de quel pays. C'est peut-être de la France. Je vais vérifier, je vous dirai ça après la pièce qui s'appelle Attention. Donc, pour tout de suite, on entend Clit Beats, A Thing or Two. C'était la pièce Attention par le groupe dijonnais Tell Them Community. Donc, c'est sur l'étiquette IQ Dub, une étiquette française. Avant ça, c'était Clit Beats, un artiste allemand sur l'étiquette Buddha Beats, une étiquette qui vient de Budapest, avec sa pièce A Thing or Two. Ben, c'est déjà tout pour Web Music. Je vous rappelle que vous, si vous avez manqué des petits bouts de l'émission, ben, vous pouvez la réécouter en balado-diffusion. D'habitude, c'est disponible quelques heures après l'émission. Donc, pour télécharger ça, vous vous rendez au www.webmusic.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous avez accès aussi à toutes les pièces que vous entendez à l'émission. Ben, c'est possible de les télécharger. C'est des pièces qui sont disponibles sous licence Creative Commons. Donc, le partage est vraiment encouragé. Si vous aimez les pièces, ben, parlez-en à vos amis. Partagez les fichiers. C'est de la musique qui est là pour être partagée. Donc, gênez-vous vraiment pas. Moi, je vais vous donner un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Music. D'ici là, ben, je vous invite à rester sur les ondes de CKRL pour encore plein de bonne musique. Ben, c'est ça, je vous souhaite une bonne nuit. C'est un voyage. Hein? C'est, moi, en voyageant, c'est l'analogie que j'ai faite de ma propre vie puis des voyages que j'ai faits. C'est juste l'espace-temps qui différencie ça, mais le temps aussi, c'est très relatif. Qu'est-ce que c'est le temps? Où est-ce qu'on se situe dans le temps? La mort définit ça, notre espace-temps. Xavier Caféine, un kamikaze sensible, a senti secret, mardi 27 octobre, à 10h. Chanson francophone des années 70 à 80. C'est Jean-Philippe Deschênes qui vous convient l'émission Ma boîte à cassette les mardis 14h30. Vous écoutez le 89,1, la radio culturelle à Québec.